Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Installez-vous confortablement. Comme d'habitude, on vous a préparé un bon 2 heures de rock progressif. Et on commence avec Alex Carpani ce soir. La semaine dernière, on vous a présenté un extrait de son album The Good Man. Un disque constitué de 2 pièces épiques de 28 minutes et quelques secondes. La semaine dernière, on vous présentait un extrait de la pièce Amnésiaque. Et ce soir, ça va être un extrait de Good and Evil. La seconde pièce de ce 7e album studio du claviériste italien. Et puis Marc, parlant d'Italie, on demeure en Italie cette fois-ci avec une autre nouveauté. Oui, il s'agit de la formation Limite Acquasecure, qui viennent de faire paraître leur second album cette année, donc en 2025, 3 ans après leur premier album éponyme. C'est un album concept qui a pour titre Un'altra mano di carte, qui signifie en français une autre main de carte. C'est un album qui laisse la parole à plusieurs personnages qui sont imaginés à travers l'histoire, et contrairement à leur premier album qui était écrit à la première personne, celui-ci laisse la parole aux personnages en question et ça leur permet de raconter leur point de vue et d'explorer plusieurs thèmes. La formation a été fondée en 2005 à Ferrare, était née initialement pour revisiter les classiques du rock progressif italien et a évolué vers un rock beaucoup plus personnel. Les 6 musiciens ont travaillé depuis 2022 à ce nouvel album qui comporte 6 pièces. Celle qu'on aura pour vous ce soir a pour titre Natale 1914, ce qui signifie Noël 1914, qui raconte l'histoire des douleurs et horreurs dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Un album dont assurément vous entendrez d'autres extraits dans de prochaines émissions. Et comme vous le disait Michel, on débute ce bloc musical avec une nouvelle pièce du nouveau disque de Alex Carpani. We'll be right back. cercarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio... Oh, almeno per stanotte toccherà. Pace a noi, la nostra libertà, in questi pochi metri. De retour à Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau. Pour cette seconde demi-heure, on vous présente un extrait d'un album de Pattern Seeking Animals, une formation de Los Angeles qui a été mis sur pied par trois membres de Spot Beard, c'est-à-dire le chanteur Ted Leonard, le batteur Jimmy Keegan et le bassiste Dave Meras. Le groupe va présenter le 14 février prochain son cinquième album studio qui a pour titre Friend of All Creatures. Et ce soir, on a un premier extrait de cet album. Et puis Marc, par la suite, on se dirige du côté de la Hongrie. Oui, en effet, avec la fameuse formation Solaris qui a été formée à Budapest en 1980. Ils avaient fait paraître les chroniques martiennes Mars Belli Chronicac en 1984. On fait paraître Martian Chronicles partie 2 en 2014 et viennent de faire paraître en 2024 leur troisième partie, donc les Martian Chronicles partie 3, I or AI. Et c'est certainement leur meilleur album en carrière. Ils avaient également réalisé Nostradamus Book of Prophecies en 1999 et Nostradamus 2.0 en 2019. Alors ce nouvel album, Martian Chronicles Part 3, est un CD double, avec une première partie qui est une longue suite qui dure 41 minutes, une seconde suite qui dure une vingtaine de minutes, et le CD2 comporte une longue suite qui fait près de 40 minutes, et on aura un extrait de cette suite qui a pour titre Dream Valley, avec l'extrait Nightmares. Ce sera suivi de la formation mexicaine Deep Limbic System. On vous a présenté deux extraits du plus récent album dans les émissions précédentes. On aura ici pour vous un extrait de leur premier album pleine longueur, The Embryo, paru en 2016, avec la pièce Horizon qui paraissait sur le premier EP qu'ils avaient fait paraître en 2014. Et comme vous le disait Michel, on débute ce bloc musical avec la formation Pattern Seeking Animals. Thank you. this moment's peace. Longing echo shake my soul. We'll be right back. Hi, this is Sergio from Deep Limbic System, and you are now listening to Terra Incognita. Thank you. De retour à l'émission Terra Incognita, dans le prochain bloc musical, on aura, entre autres, la formation italienne Entity, qui faisait un retour en 2024 avec l'album Il Naufragio delle Speranze. Leur premier album unique était paru en 2013. On aura ici pour vous la pièce Risveglio Parte Do, Fuga. On aura également la formation, on peut dire française, même s'ils sont maintenant installés à Berlin, Périlymphe. On a un second extrait pour vous de leur plus récent album Progression Imaginaire, qui est paru en 2024. Et c'est le projet de Fabien de Menou et de Tim Landgren, principalement, avec quelques autres musiciens invités, dont Can Winter au saxophone et Fabian Sliuka aux batteries et percussions. Un album qui est entièrement chanté en français, de style Canterbury, mais également de rock psychédélique. Alors c'est vraiment bon. On aura pour vous ce soir la pièce Loin du bruit. On aura également la formation Vientos Moderados del Este de l'Espagne et un second extrait de leur premier album Un Manual del Signos y Sintomas, paru en 2024 avec la pièce Te hace falta un escarmiento, qu'on pourrait traduire par Tu as besoin d'une leçon, partie 1 et partie 2. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, une autre excellente formation italienne. Oui, et c'est d'ailleurs pas le premier extrait qu'on vous présente de ce groupe. C'est Melting Clock qui, en 2024, nous est arrivé avec une belle surprise, l'album Altrove. C'est le second essai de cette formation italienne qui a fait son entrée sur la scène musicale en 2019 avec Destinazioni. Ce soir, on vous propose la pièce Endurance. dentro lo specchio è un volto senza nome. Dove mi trovo? Forse son solo in questa stanza vuota, senza pareti. La notte si riflette nel mio sorriso, il freddo lungo le mani, un pensiero scende piano giù per le scale e rimango senza parlare. Rimango fermo al buio prima di andare. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation suédoise Gösta Berlings Saga, qui a été fondée en 2004 et qui ont fait paraître 6 albums en carrière. On aura pour vous ici un extrait de Glueworks paru en 2011 avec la pièce Island. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation allemande qui est active depuis plus de 50 ans. Oui, on pourrait même dire 55 ans et plus, parce que le groupe a été mis sur pied à la fin des années 60 et le premier album est paru en 1971 sous le titre de Eloy. Vous avez reconnu évidemment la formation allemande Eloy. Ce soir, on vous propose un extrait du plus récent album. C'est le 21e album studio de Eloy et l'album a pour titre Echoes from the Past. No light of day, no stars in the night, No birds in voice outside are heard. Only darkness and silence all around, an oppressive atmosphere. Chained in a murky dungeon, Lutzol just got the door. Forlorn and abandoned, foreboding an inglorious end, at the mercy of a hostile tribune, lasting to see her burn alive. The pyre in the market square, the memory tears me apart. Only one consolation remains: she inhabits now the world of light. I think she resigned to her fate, and she walked at the end her last journey alone, in firm belief, escorted by angels, protected in a loving embrace. For at the end to find her place in paradise. Thank you. Pour conclure l'émission ce soir, on vous présente une pièce de Discipline, la formation originaire de Détroit. C'est un extrait de son 4e album studio qui a pour titre To Shatter All Accord. C'est un disque qui est paru en 2011 et on a retenu la pièce Dead City. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèle au rendez-vous. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. Et je vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita pour ne rien rater des nouvelles qui s'en viennent au sujet du festival Terra Incognita. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de CKRL. It speaks in life.